Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Betty. Elle nous apporte son témoignage de l'épuisement, appelé plus communément burn-out, dont elle a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Betty, je te remercie de nous recevoir aujourd'hui pour ton témoignage. Alors tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Bonjour Catherine, moi je suis Betty Gevaert. Je vis en France depuis 2 ans. Avant, j'ai habité au sud de la Belgique. J'ai habité aussi aux Pays-Bas avant, mais les 25 dernières années, j'avais habité en Belgique où j'ai travaillé au Luxembourg dans le monde financier et je suis retraitée à présent. Voilà une belle présentation, merci beaucoup Betty. On va commencer par la première question. Comment est-ce que tu peux décrire le premier jour où tu t'es rendu compte, où tu es sortie en fait du déni, où tu t'es rendu compte que tu étais en épuisement? Ça n'a pas été du jour au lendemain. C'était au mois d'août environ l'été où je commençais à me sentir pas trop bien. Donc, c'est-à-dire que je dormais mal, que j'avais comme un nuage dans la tête, du mal à me concentrer. J'ai été voir mon médecin généraliste qui voulait me prescrire des antidépresseurs. Je dis non, je n'ai pas une dépression. Je voulais pas prendre de médicaments. Parce que je n'aime pas trop faire ça. Et j'ai continué comme ça. Il y avait des copines des Pays-Bas qui étaient en visite chez moi en vacances et que j'ai eu un comportement assez agressif et que je me suis étonnée moi-même de ce comportement, que j'ai dit « mais c'est pas moi ça ». Et que là, j'ai commencé à douter de quelque chose qui n'allait pas vraiment. Mais je pensais toujours pas au burn-out, au fond. Oui, alors ça c'est vraiment intéressant tout ce que tu viens de dire parce qu'effectivement c'est le moment où on se rend compte qu'on devient quelqu'un de différent et qu'on n'est plus dans la façon d'être qu'on se connaît, on va dire ça comme ça. Maintenant ce qui est intéressant de savoir c'est comment a réagi quand tu as acté le fait que tu étais en épuisement, comment a réagi le milieu privé déjà ? À ce moment, je vivais seule, donc les deux copines, une copine était complètement étonnée et assez froissée, donc elle est partie. Oui, l'autre copine n'a pas vraiment réagi. Donc, comme je vivais seule, j'avais pas trop de feedback de mon entourage, pour ainsi dire. Hein, donc, je continuais à travailler, à me lever à 5h30 du matin, et pour partir à temps, j'avais quand même pas mal de routes à faire, et pour revenir 11 heures plus tard à la maison. Mm-hmm. Donc c'était assez épuisant. Oui. Et donc, l'entourage privé, alors ok, tu vivais seul, j'entends bien, maintenant tes amis ont effectivement été étonnés, mais maintenant l'entourage professionnel, quand ça a été déclaré vraiment? Là j'ai eu au fond beaucoup de chance, comme je travaillais dans une grande banque où il y avait un infirmier. Mais à ce moment, ça s'est beaucoup aggravé parce que je me rappelle qu'au mois de janvier, après un goûter avec des voisins, je m'étais assis dans le canapé pour m'assoupir et je voulais me lever et je n'arrivais plus à me lever. C'était comme si j'avais bu de l'alcool, que j'étais complètement sous. Et là, j'ai vraiment eu quand même une angoisse que je me dis « oui, qu'est-ce qui m'arrive ?» Hein, est-ce que j'ai un AVC? Bon, respire, calme-toi. Après 20 minutes, je me suis levée et j'ai senti que, comme si je me promenais sur un bateau. Tout bougeait constamment, c'était vraiment bizarre. Le matin, ça allait toujours bien quand je me levais. Donc, je me préparais pour aller travailler, je prends le train, j'arrive au Luxembourg, ville, comme je travaillais en face de la gare. Et puis là, tout de suite, tous les bruits et tous les sensations et tout ce monde, ça me perturbait déjà. Et à chaque fois, j'avais un nouveau sentiment de vertige, de marcher sur un bateau. Et puis au boulot, à un certain moment, Je n'arrivais plus à faire les choses que je faisais journalier. Je devais demander à ma collègue comment on fait ça. Elle était tout à fait étonnée. Et puis à un certain moment, je ne savais vraiment plus ce que je faisais derrière le bureau. Là, j'ai appelé, je me suis couchée par terre. On a appelé l'infirmier et lui m'a dit « Oui, oui, selon moi, tu fais un burn-out ». Donc, heureusement qu'il avait connaissance de ça. Parce que à partir de là, j'ai été voir plusieurs médecins. D'ailleurs, en entre-temps, j'avais déjà été revoir mon médecin généraliste pour ses vertiges. Et il me disait, oh, c'est la maladie de Meunière. Donc, il faut aller, quand tu as une crise, voir tout de suite un ORL. Mais comme je travaillais au Luxembourg, j'ai pris un ORL au Luxembourg. Et lui, il m'a dit, mais il m'a demandé mon parcours. Et j'avais eu un cancer de sein dans le temps par lequel j'avais dû prendre un médicament qui m'avait mis en ménopause d'un jour au lendemain. Et il me dit, toutes tes hormones sont chamboulées. On va faire une prise de sang et on va regarder ça. Mais tu n'as pas la maladie de Meunière. Après ça, en effet, le résultat démontrait que je ne faisais plus du cortisol du tout. Donc, les glandes rénales ne fonctionnaient plus trop bien. Et ça, il m'a dit, ben, ça c'est suite à une castration hormonale. Et suite à ça, j'ai vu le médecin de travail qui voulait me remettre au travail. Mais comme je voyais aussi un psychiatre pour être OK avec la caisse maladie. Elle m'avait donné un certificat jusqu'à une certaine date. Alors, la caisse maladie luxembourgeoise voulait que je commence lundi. J'allais au travail, ils me disaient non, ça, on ne fait pas. On t'envoie au médecin de travail. Et là, le médecin de travail, aussi très raisonnable, il a lu tout mon dossier et il m'a dit, écoute, tu ne vas plus régénérer. On va faire en sorte que tu aies une incapacité de travail de 50%. Ce que j'ai accepté parce que les conditions au Luxembourg étaient vraiment très bonnes à ce point. Merci Bédi. Nous allons faire une courte pause musicale avec notre pianiste Auriel et sa composition qui s'appelle « Aude à la lune ». Thank you. Nous retrouvons le témoignage de Bédi après cette pause musicale. Oui, c'est intéressant, c'est un parcours très intéressant, effectivement. Parce que là, tu nous as un petit peu évoqué les troubles que tu as eus. Maintenant, ce qu'on va faire par rapport, effectivement, si j'ai bien compris, tu as eu un environnement professionnel qui a été adapté à la question. C'est-à-dire qu'ils ont réagi d'une manière très professionnelle, connaissant le syndrome du burn-out. Oui, en effet. Hein, parce que quand je suis retournée aux ressources humaines, ils ont demandé la reconversion de travail. Donc j'ai eu un job qui était plus léger, parce qu'avant j'étais au guichet et c'était vraiment très dur, puisque j'étais la seule néerlandophone et que je recevais tous les clients néerlandophones. Donc j'ai eu un travail plus léger et je pouvais moi-même déterminer les jours que je travaillais à 50%. Donc c'était vraiment formidable pour moi. C'était une semaine, deux jours, l'autre semaine, trois jours. Et comme ça, j'avais vraiment le temps de me reposer, de me rattraper. Mais j'ai surtout été aidée aussi après par un médecin orthomoléculaire qui m'a bourré plein de vitamines et des oligo-éléments et je ne sais pas quoi. Enfin, j'en avais pour 500 euros dans le mois, mais ça m'a requinqué physiquement en tout cas. Parce que physiquement, j'étais vraiment aussi à bout. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, justement, quand on parle, nous, des troubles physiques, je vais te dire un peu, nous, les troubles dont on parle. On parle de manifestations, ce qu'on appelle somatiques, c'est-à-dire de plaintes et de douleurs qui, quelquefois, ne correspondent pas obligatoirement à une maladie, mais par contre, qui sont vraiment des douleurs. Des douleurs abdominales, des douleurs musculaires, en particulier les articulations, les douleurs dorsales, les douleurs gastro-intestinaux, des troubles alimentaires et des ulcères, dans ce qui est physique. Non, je n'avais pas ces symptômes-là, aucun de tout cela, simplement la fatigue. D'accord, ok. Après, il y avait on parle nous d'une réduction des défenses immunitaires. Pendant cette période-là, est-ce que tu étais plus exposé à tout ce qui passait ? Non, pas vraiment, puisque je vivais seule à la campagne et que je suis restée quand même durant 2 ans à la maison pour me retaper. Et que non, je n'avais pas assez de contact extérieur pour dire que j'aurais pu tester mon système immunitaire. D'accord, ok. Nous allons faire une petite pause musicale où nous allons écouter la pianiste Auriel dans Flashback. Thank you. nous retrouvons Bédi pour la suite de son témoignage. Après, on a ce qu'on appelle... le taux de cortisol, quelquefois, il augmente dans la journée. Il est très, très, très, très fort dans la journée. Et toi, apparemment, dans les analyses que tu as faites, tu n'avais plus de production de cortisol. Non. Disons que quand je me levais, il y en avait un peu, mais 2 heures après, c'était fini. J'étais épuisée. Oui, mais c'était pendant l'épuisement. Les analyses n'ont pas été faites avant. Non, ça c'était durant l'épuisement, en effet. Voilà, parce que là, c'est intéressant de savoir effectivement que c'est peut-être une surconsommation qui, en fait, après, t'as fait une chute, oui, complète. Et puis, alors, on parle de changement dans la motivation. On parle de baisse de la motivation professionnelle et de doute sur ses propres compétences. Comment t'as vécu ça ? Ça, je n'ai pas trop subi parce qu'au fond, le travail que je faisais, je ne trouvais pas tellement intéressant pour moi-même et j'avais assez d'occupations à côté de ça, comme la peinture. Je recevais aussi des gens en chambre d'hôte. J'avais beaucoup d'amis avec qui j'avais des bonnes discussions. Donc, c'est pas ça qui m'a perturbé, non. Tu n'avais pas l'impression d'avoir des doutes sur tes compétences ? Non. Non. Quoique tu m'as parlé d'à un moment donné que tu étais obligée de demander parce que tu n'arrivais plus à te souvenir de ce qu'il fallait faire. J'avais donc un manque total de concentration. Je ne savais même plus former un numéro de téléphone, chiffre par chiffre. Voilà, alors justement, on va parler des troubles cognitifs. Troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration et des fonctions exécutives. Oui, ça c'était à fond. Hein, donc là, je n'arrivais plus à me concentrer, plus à fonctionner et à faire mon boulot. Je ne savais vraiment plus le faire. J'étais complètement perdue à ce point. Ça, c'était très frappant. Mais mentalement, je me sentais toujours pas en dépression. Je me sentais pas mal, vraiment, en moi-même. Sauf que la concentration, elle était nihile. Complètement nihile. Et puis, par rapport à ça, est-ce que tu faisais toujours ta peinture et quels étaient les effets thérapeutiques de ces occupations que tu avais à part ? J'ai toujours fait de la méditation et la peinture, c'est aussi une forme de méditer. J'aimais bien travailler dans le jardin, donc ce sont toutes des occupations dont je me suis beaucoup occupée cette période-là. Et... Être dehors, j'avais aussi un cheval, donc je me promenais à cheval dans les bois et avec mon chien. Toutes ces choses me faisaient beaucoup, beaucoup du bien, être dehors, dans la nature. Ça, c'était vraiment pour moi la meilleure thérapie qui m'a requinquée. Mais la concentration dans ta vie quotidienne, est-ce que tu étais du style, parce qu'il y en a qui témoignent, par exemple, ils étaient obligés de faire des petites notes de tout parce que sinon ils oubliaient tout dans leur vie quotidienne. Je ne me rappelle plus tellement ça. Je ne me rappelle plus. À ce point, à la maison, tout allait de soi. Je ne sentais pas, mais je ne devais pas me concentrer non plus. Donc, ça me donnait... Non, je n'avais pas du mal, non. Mais le travail était impossible. Et encore maintenant, je ressens quand il y a des moments de stress intense... que je ressens tout de suite de nouveau ces nuages dans ma tête. Et ça prend toujours quelques semaines pour repartir. Donc à ce point, j'ai des séquelles. Ça, je le sens. Mais physiquement, aucun. Et la concentration, maintenant, elle est bonne. Tous les jours, si je ne suis pas soumis au stress ou quoi, tout va très bien. Je vous propose une petite pause musicale avec Auriel et un morceau qui s'intitule « Valse ténébreuse ». Thank you. nous retrouvons Bédi qui continue son témoignage. On parle également de changement de comportement. Au moment, pas vraiment quand c'est déclaré, mais enfin, au moment où ça se déclare, de repli sur soi. Oui, oui, parce que j'aime pas trop exposer mon sale linge, comme on dit, ce qui n'est pas vraiment un sale linge. Non, je parlais quand même aux gens pour dire que je me sentais pas bien, que je savais pas trop ce qui se passait. Hein, que c'était avant que je savais vraiment que c'était un burn-out. Mais cette façon de réagir agressive, d'être vite irritée sur les choses. Attitude impersonnelle, détachée, négative, voire cynique. Ouais. Donc ça, je me rappelle en effet que j'avais cette période. Et que les gens me disaient aussi... enfin, que j'étais connue pour une optimiste, que là, je regardais... que j'étais assez négative. Parce qu'on parle justement de comportement agressif. Là, oui. C'est ce qui t'est arrivé avec cet ami. Oui. Et là, j'étais étonnée de moi-même. Donc, j'ai fait attention à ça. Mais c'est quand même quelque chose... J'étais vite irritée. Donc, je devais à chaque fois... Et comme j'étais vite irritée et que je n'aime pas, que je sais que c'est dû à moi-même, je me retirais plus, ouais. Oui, repli sur soi, quoi. Ouais. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des comportements addictifs qui peuvent être la cigarette, l'alcool, les drogues, les médicaments ou des comportements compulsifs, quels qu'ils soient, dans des moments de difficulté comme ça. Non, ça, je n'ai pas eu. Je bois toujours un petit verre de vin, mais ça, je l'ai fait avant et maintenant, je le fais encore. Donc, ça n'a rien à voir. Je vois. Voilà. On parle dans les troubles psychiques d'anxiété intense, d'agitation anxieuse et d'un débit de parole submergent. Est-ce que tu as vécu ce genre de comportement ? Anxieuse, oui, parce que c'est ça qui me perturbait aussi, hein, puisque je ne savais pas ce qui se passait exactement. Au début, certainement, une fois que j'ai su que j'étais voir la psy et que tout était réglé pour le travail et tout, là, j'ai su... me reprendre, pour ainsi dire. Mais avant, c'était quand même très perturbant. Oui, parce qu'il y a aussi les troubles du sommeil. Oui. Je dormais mal, très peu, entrecoupé. Enfin, je dormais mal. Donc, ça aussi, ça pèse, parce qu'il y a une fatigue constante et que je me connaissais comme une personne assez dynamique. Oui. Donc, oui, ça perturbait, évidemment. Et ça ne fait pas plaisir. Non. Ça frustre. C'est ce qu'on dit. On a un état dépressif, mais ce n'est pas une dépression. C'est ce qu'on appelle un trouble comorbidique, c'est-à-dire c'est un état dépressif. Ce n'est pas joyeux de se voir avec la santé qui décline. Exactement. Donc c'est ça qui fait qu'on est tristouné, on va dire ça ouais, comme ça. Ouais. Que je n'étais pas toujours joyeuse et... Enfin oui, ça me posait des problèmes, ouais. Oui, parce que c'est justement, on appelle ça pas franchement un état dépressif, mais c'est, on va dire, c'est sous-jacent. On a un côté... Ouais. On ne se sent pas en forme. C'est ça. On n'est pas soi-même. C'est ça, oui. Ouais. Oui, un peu. Il y a des personnes suivant, si elles vont vraiment loin, elles arrivent à ce qu'on appelle le désespoir, carrément. Heureusement que je ne suis pas venue à ce point. non, je n'étais pas désespérée. J'espérais que j'allais m'en sortir et je m'en suis sortie. J'y croyais. Voilà. Puis il y a aussi ce qu'on appelle les troubles de l'alimentation. Est-ce que tu as subi quelque chose à ce niveau-là ? Non, pas spécialement, non. Tu mangeais beaucoup, pas beaucoup ? T'avais l'appétit coupé ? Je mangeais normalement. Non, ça, c'était pas un de mes symptômes, non. Non. Alors maintenant, ça va être la question, et là, je vais te laisser... raconter ce que tu as envie de raconter à ce sujet, et le après, une fois que ça s'est passé, ça a été reconnu, tu as réussi à faire reconnaître la chose, et après, comment l'as-tu vécu ? Après 2 ans, donc, je suis restée à la maison avant que tout soit réglé pour l'incapacité de travail, etc., que je ne pouvais pas commencer avant... ça a été très bien au fond pour moi, parce que j'ai reçu un autre job... qui me permettait d'être moins concentrée. Je savais régler moi-même mes jours de travail. Donc, comme j'avais dit, 2 jours une semaine, 3 jours l'autre semaine, qui me laissait assez d'espace pour faire les choses que j'aimais bien, hein, comme la peinture et jardiner, enfin, tout ce que j'aimais bien. Et au boulot, ça se passait très bien. Et au Luxembourg, comme je disais, financièrement, ça ne m'a pas mis dans le pétrin, puisque il y a l'aide à l'État de 50% de ton salaire. Donc, au fond, je me suis sentie très bien, parce que j'avais du temps pour moi-même. Hein, et ça faisait du bien. C'est tout ce que je sais dire. Ça faisait du bien. Je me suis vite requinquée et je me suis retrouvée aussi moi-même. Ouais. Après 2 ans, 3 ans, j'étais vraiment requinquée. Avant de connaître la suite de ce témoignage et la fin, nous allons faire une dernière pause musicale avec notre pianiste Auriel et une composition qui s'appelle « Photons en liberté ». Thank you. nous retrouvons Bédi qui continue son témoignage. Oui. Et donc, ton cercle amical et autres, donc, t'as changé ta vie professionnellement, d'accord. Mais bon, après, t'as eu la période de retraite, oui. Après ces 3 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça... Alors, je dirais la question autrement. Comment a été ta perception de la vie après avoir eu cet accident? Keep it cool. non, j'ai continué ma vie comme avant. D'ailleurs, durant le burn-out que j'étais à la maison, je voyais quand même aussi des gens. Hein, les amis passaient chez moi et... ils étaient très empathiques envers moi. Enfin, je menais quand même pas une mauvaise révalidation, si je peux dire ainsi. Et après, les amis ont continué à venir. Donc, à ce point, non, j'ai jamais perdu mes amis à cause de ça. Et ma famille, bon, j'ai toujours été éloignée de ma famille déjà à très jeune âge. Bon, ils n'étaient pas tellement concernés non plus dans ma vie. Non. Donc ça n'a pas fait de différence. Mais qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris? Ça m'a appris de prendre moins sur moi, de ne pas forcer sur les choses, de ralentir quelques pas parce que je faisais un peu trop en même temps. Avant, donc 11 heures de jour, partie travailler, les week-ends faire les chambres d'hôtes, faire le jardinage, j'en faisais trop aussi. Et donc, j'ai ralenti la vie en général pour moi-même. Prendre aussi des moments où je foutais rien, par exemple. Où j'étais vraiment la farniente, que j'étais à la terrasse en train de regarder autour de moi, puisque j'habitais un bel endroit. enfin, de faire ce que je voulais vraiment sans me tracasser. Et je continue comme ça. C'est bien. Bravo, Bédi. Écoute, ben là, on voit, tu es dans un environnement qui est effectivement dans la campagne. On est en plein milieu de la verdure. Bien, effectivement. Ben, on te remercie infiniment pour ton témoignage. Et puis, ben, c'est important, effectivement, de voir comment chacun l'a vécu. Et effectivement, la chance que tu as eue par rapport à d'autres témoignages qu'on a rencontré, effectivement, ça a été d'être dans un milieu professionnel qui l'a bien accepté. Ouais. Ça, c'est, je pense... Oui, ça, en effet, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'entends beaucoup de gens qui... ou bien qui sont indépendants. Mm. Ça, c'est encore plus dur. Mais c'est encore quelque chose qui est un peu mal vu en général. Hein, c'est psychologique. Évidemment que c'est psychologique. Mais j'avais vu un documentaire sur un neurologue qui expliquait au fond ce qui se passe physique. Et que c'est le stress attaque le physique. Bah oui, nous on fait une conférence gesticulée à ce sujet sur adrénaline et cortisol, le peuple des hormones. Et l'INRS a fait un film là-dessus, un petit film. Le burn-out est avant tout physique. Alors il est évident que l'épuisement commence par l'émotionnel parce qu'on est dans un environnement qui nous fatigue émotionnellement. Ça nous tombe sur le psychique parce que quand on est fatigué émotionnellement, ça nous tombe sur l'esprit. Évidemment. Et après, en final, ça détruit le physique parce que ce trop-plein d'hormones ne peut plus être régulé par les régulateurs, justement. Et à ce moment-là, ça met à mal le physique. Ouais. Et pour se remonter, ben, c'est dans l'autre sens. Il faut déjà remonter le physique. Le psychique, ben, on dit bien... dans corps sain, esprit sain, dans corps sain, hein, on dit bien. Et puis après, l'émotionnel, qui est peut-être la dernière partie la plus difficile à reconstruire, parce qu'on reste peut-être, à mon sens, un peu plus délicat. Alors, je ne sais pas pour toi, mais émotionnellement, un peu plus délicat. Non, ça, ce n'est pas mon cas. Émotionnellement, je dois dire que j'ai appris déjà très jeune à bien gérer ses émotions et de ne... Enfin, ça se passe très bien. Voilà. Mais il y a des personnes qui, émotionnellement, ont de la peine à remonter parce que suivant... puis ça dépend. C'est un continuum. Hein, jusqu'où on a été, à partir de quand ça a été détecté, quels ont été les impacts au point de vue symptômes, qu'est-ce que ça a généré. Donc, suivant une personne ou une autre, c'est des fois totalement différent. Hein, ça, c'est certain. Oui, ça c'est certain, parce que j'ai une sœur en ce moment qui est aussi en burn-out depuis quelques années. Chez elle, c'est psychique et physique. Je sais d'où ça vient, bon, je ne veux pas raconter tout, mais elle a beaucoup plus de mal à s'en sortir que moi parce qu'elle est émotionnellement beaucoup plus impliquée que moi j'étais dans mon burn-out. Ouais. Et ça fait que aussi son corps ne suit pas, en Ouais, effet. je comprends. Bon, on te remercie beaucoup, Biddy. Et puis, on te souhaite une bonne continuation dans ta retraite dans la campagne. Voilà. Merci beaucoup. Voilà le deuxième témoignage d'une série de 9 qui seront diffusées le deuxième dimanche de chaque mois sur Radio Gémozo. Ensuite, vous pourrez retrouver le podcast sur le site de l'association ralentirpourvivreenunmot.org. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et vous remercions de votre écoute. À bientôt.